Le siècle de Louis XIV. Conçu vers 1732, donc un an après l'histoire de Charles XII, publié en 1751, complété jusqu'en 1756, le siècle de Louis XIV repose sur un immense labeur de documentation de la part de Voltaire, dont la tâche fut grandement facilitée par sa fonction d'historiographe du roi Louis XV de 1744 à 1747. Et ce siècle de Louis XIV est encore aujourd'hui un livre important pour l'étude du XVIIe siècle. Avant de vous en lire quelques extraits, voici encore deux extraits de lettres pour étoffer notre portrait de Voltaire historien. La première lettre, de 1738, est adressée à M. l'abbé Dubos, historien lui-même, pour lui demander aide et conseil. Dubos avait écrit entre autres, en 1734, « Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules ».